en remplacement de Jacques Beauchamp, ici Alain Crevier, au cœur de la vie de Montréal et des Montréalais, le port de Montréal. Fermé près de 4 mois pendant l'hiver, Montréal est le plus grand port de mer du monde à l'intérieur des terres. À 1000 miles de l'Atlantique, sur le Saint-Laurent, il relie le cœur de l'Amérique du Nord aux 4 coins du globe. En entendant cet extrait tiré du film Le port fluvial de l'ONF en 1953, on a l'impression que le port de Montréal est au centre de l'univers. Bon, de fait, il n'est peut-être pas tout à fait au centre de l'univers, mais certainement au cœur de l'histoire des Montréalais et d'une partie de notre continent. Le port de Montréal a commencé, évidemment. Le navire le plus important, c'est celui qui a amené Maisonneuve et Jeanne-Mance, qui ont découvert Montréal. Et de là, il est venu des navires qui ont gardé la colonie en vie, c'est-à-dire qu'on apportait à Montréal de quoi se nourrir, et qu'on ne trouvait pas sur les lieux. On amenait surtout des gens de la colonie. Évidemment, à mesure que la colonie a grandi, on a commencé à faire des exportations. En plus des fourrures, il y a eu des minéraux. Ça a été la chose la plus importante après la fourrure. Et enfin, les céréales, lorsque l'Ouest canadien s'est développé. Dans l'émission Le Vieux Montréal du 15 août 1971, l'historien Claude Perrault parle de l'origine du port. C'est vrai que raconter l'histoire du port de Montréal, c'est aborder un grand pan de notre histoire économique et culturelle. Le port a littéralement été la bougie d'allumage de plusieurs grands changements qui ont marqué notre histoire. Et pour parler de son histoire, on reçoit Geneviève Pronovost, enseignante d'histoire au Collège Jean de Brébeuf. Bonjour, Mme Pronovost. Bonjour. Vous avez entendu l'extrait qu'on vient d'entendre. Hein? C'est un extrait où Claude Perrault nous parle de fourrure, de minéraux, de céréales. On décrit littéralement Montréal comme quasiment un lien existentiel pour nous. Oui. En fait, on sait qu'au 17e, 18e siècle, presque toute l'économie tourne autour des fourrures, mais qui dit commerce dit transport. Et le problème, c'est que notre fleuve est d'une nature sauvage, difficile à apprivoiser. 3 grands obstacles, mettre des bâtons dans les roues des premiers navigateurs, le courant Sainte-Marie qui est présentement à la hauteur du pont Jacques-Cartier, qui est vraiment très important. On doit débarquer toutes les marchandises pour pouvoir le traverser, puis on fait remorquer les navires pour pouvoir finalement remonter le fleuve. Il y a aussi les rapides de la Chine. Ici, il faut débarquer les marchandises et traverser sur une route terrestre pour pouvoir les contourner. Et il faut dire que le fleuve, il est très peu profond, 6 mètres en moyenne. Donc, tous les bateaux qui ont un tirant d'eau de plus de 3 mètres ont de la difficulté à circuler sur ce fleuve. Ce qui fait qu'il ne reste pas grand place pour installer un premier havre. On va l'installer donc à l'embouchure de la rivière Saint-Pierre, au pied des rapides de la Chine, à l'abri du courant Sainte-Marie. Et ça tombe que dans ce petit havre, il existe un petit îlot qu'on appelle l'îlot Normand, en l'honneur d'un des supérieurs des Sulpiciens. Il va porter plusieurs autres noms, là, îlot du marché, îlot aux huîtres. Et cet îlot-là, il est vraiment capital, puisqu'on y dépose les marchandises. On vient aller chercher ces marchandises-là pour la place royale, hein, pour les amener au marché. Et puis, on y accoste les bateaux, on y répare les bateaux, on y répare les tonneaux. Donc, ça devient un incontournable. Malgré tout, il faut dire que le fleuve est quand même gelé de décembre à avril. Oui, on en sait quelque chose. Oui, ce qui réduit quand même beaucoup la capacité de navigation. Ce qui fait en sorte que finalement, le port de Montréal, il va vraiment naître au 19e siècle avec l'industrialisation. L'industrialisation. Alors, on imagine que c'est une période qui va changer profondément d'abord la société québécoise et la société canadienne, bien sûr, mais aussi tout le port de Montréal. Oui, parce que tranquillement, on commence à diversifier l'économie. Le commerce des fourrures s'essouffle, on continue de pouvoir exporter du bois, mais on diversifie un peu, on se tourne vers l'agriculture, on se tourne vers la production manufacturière. Le secteur de la chaussure, du fer, commence à se mécaniser. Mais on voit aussi apparaître dans le port de Montréal le secteur de l'alimentation. La brasserie Molson, qui est là depuis 1776, au pied du courant Sainte-Marie dont on a parlé, mais aussi les raffineries de sucre qui viennent s'installer parce que dans le port de Montréal, on reçoit la canne à sucre brute des Antilles. Alors, on s'y installe. On va commencer à raffiner le sucre dès 1841. On a au début du 19e siècle, une vague d'immigration qui vient dynamiser l'économie. On a une main-d'œuvre qui arrive vraiment, qui est très, très importante. Les Irlandais, entre autres, arrivent. Beaucoup d'immigration des îles britanniques. Puis, cette industrialisation-là amène le développement du bateau à vapeur. Et là, on est capable de passer le courant Sainte-Marie sans déposer les marchandises sur le bord des rives. Un obstacle vient donc de tomber. Et le canal Lachine ouvre ses écluses en 1825 et donc un deuxième obstacle vient de tomber sur le fleuve. Il y a la circulation maritime qui explose littéralement. Ah, j'ai comme l'impression que ça doit être la réponse à la question que j'allais vous poser. Vous parlez de 1825, 1830, c'est la création de la commission du Havre. Pourquoi on avait besoin de créer une commission comme celle-là? Bien, les marchands sont un peu mal pris. Souvent, ils vont créer des petits quais sur pilotis devant leurs entrepôts, entrepôts qu'on doit démanteler l'hiver, puisque au printemps, les inondations les détruisent. Alors, on n'est vraiment pas bien équipé pour répondre à la demande. Alors, on est obligé de créer une commission, la commission du Havre, en 1830, pour éviter que l'accroissement du port ne devienne lié à des intérêts personnels, à des intérêts privés. On veut présenter un plan cohérent. Et donc, on demande à la commission du Havre de régler deux grands problèmes, les inondations qui sont fréquentes et surtout l'aménagement de ports, l'aménagement de quais dans le port. C'est ce qui va se passer. En 1831, on va créer un mur tout au long de la rue des Commissaires, qui est aujourd'hui la rue de la Commune. Et ça, c'est pour contrer les inondations. On a donc un mur qui sépare le centre-ville, qui est le vieux Montréal aujourd'hui, des quais en contrebas. On va aussi créer de nouveaux quais. Le premier quai, ça va être le quai de l'île. On relie l'île Normand à la berge et ça va créer le quai de l'île, qui aujourd'hui est la fondation du quai Alexandra. Puis ensuite, on s'attaque à la jetée Victoria, qui est juste devant le marché Bon Secours. Et ce quai-là va permettre de s'abriter du courant Sainte-Marie. Et à ce moment-là, on utilise une nouvelle technique d'ingénierie. On crée des caissons en bois équarri qu'on remplit de terre et de pierre. On les fait couler dans le fond de l'eau et on les recouvre de planches de bois pour créer le quai. Aujourd'hui, la jetée Victoria, c'est le quai de l'horloge. On va donc créer cette horloge, cette tour inspirée du Big Ben. Puis, on sait, l'horloge à ce moment-là, pour les marins, c'est très, très important. On la crée après la Première Guerre mondiale, à la mémoire des marins de la marine marchande qui ont perdu la vie à la Première Guerre mondiale. Mais on la crée aussi pour cacher les hangars qui sont plus ou moins esthétiques à la vue des visiteurs du port. Il y a un personnage dont vous allez nous parler qui, on considère qu'il est le père du port de Montréal, c'est John Young. Qui est-il au juste? John Young, c'est un Écossais, c'est un homme qui s'est fait lui-même. Il arrive ici à 19 ans, il est engagé comme simple commis, mais il va se tailler une place importante au sein de la communauté des hommes d'affaires. Il va investir dans la télégraphie, il va investir aussi dans le chemin de fer, dans l'import-export. C'est un homme de conviction. Il a des idées très progressistes. Il veut investir dans les structures. Il croit en ces investissements-là. Et ça va lui amener des ennemis parce que la bourgeoisie n'était pas toujours d'accord avec ça. Plusieurs avaient des idées protectionnistes, comme Hugh Allen, qui avait la Allen Line. Il croyait que si on investissait trop, ça allait faire remonter les frais maritimes. Mais c'est un homme, John Young, qui est convaincu, qui est très persévérant et qui est prêt à tout pour faire valoir ses idées, même qui va aller jusqu'à se battre en duel avec un de ses rivaux pour faire valoir ses idées. Et c'est un homme qui va aller jusqu'au bout. Et quand il arrive à la commission du Havre, les choses commencent à bouger, les choses commencent à changer. Il en devient le président en 1853. Et à partir du moment où il prend les choses en main, on va faire draguer le fleuve de 4 mètres entre Québec et Montréal pour pouvoir avoir des bateaux à plus fort tirant d'eau qui y entrent. On va réorganiser la douane. on ferme la maison de la Trinité qui s'occupait de superviser la navigation sur le fleuve. Mm-hmm. Mais surtout, John Young prend conscience de l'importance du chemin de fer pour le port de Montréal. On commence à développer un réseau de chemin de fer au sud. On relie le Canada au port de Boston, au port de Portland. Et là, John Young et ses collègues commencent à comprendre que si on peut envoyer les marchandises sur les chemins de fer vers les ports de l'Atlantique qui sont ouverts toute l'année, on peut maintenir les livraisons même quand le fleuve est gelé. C'est une petite révolution, ça. C'est une petite révolution. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas encore de pont ferroviaire sur le fleuve Saint-Laurent. Il va bien falloir en construire un. Il va falloir. Et donc, John Young, dès 1845, se positionne en faveur de la construction de ce pont qui va être inauguré en 1860. C'est le fameux pont Victoria, mm-hmm. qui va être la 8e merveille du monde, puisque c'est le plus long pont ferroviaire au monde pour l'époque. Et ça va vraiment dynamiser le port de Montréal, puisque Portland va devenir le port d'hiver de Montréal. Même que c'est John Young lui-même qui va s'occuper de l'organisation de la cérémonie qui accueille le prince de Galles pour la fameuse inauguration du port. Donc vraiment le père du port de Montréal. À sa mort, le port de Montréal va de Lachine à Hochelaga. Il y a déjà depuis 7 ans des rails de chemin de fer sur le port et il finit ruiné. Mais ses collègues vont reconnaître son importance, vont lui faire ériger un monument. Et ironiquement, aujourd'hui, ce monument est situé devant l'édifice Allen, son rival. J'ai un extrait à vous faire écouter parce qu'on se dit, l'image qu'on se fait souvent du port, et c'est vrai pas seulement de Montréal, c'est vrai de tous les ports dans le monde, je pense à Amsterdam évidemment, mais c'est le rapport aux travailleurs, aux débardeurs. Il y a un extrait de l'émission, vous allez entendre, là, c'est l'émission « J'habite une ville » de Pierre Perrault. Elle a été diffusée le 9 janvier 1965. On entend des débardeurs du port de Montréal qui parlent de leurs conditions de travail. Tenez-vous bien, les voici. Les débardeurs, c'est pas comme autrefois. Autrefois, ça se battait sur le port. Ça pouvait se battre comme des chiens, mais aujourd'hui, on se bat pas. On s'accorde, pareil comme ailleurs peuvent s'accorder. Le monde du port de Montréal est aussi civilisé comme le monde de New York, puis le monde de Toronto ou Chicago, n'importe quelle place. C'est qu'on a la même civilisation. Le monde est civilisé, c'est seulement qu'on veut avoir un bon rendement de tout le monde, mais seulement à être usé comme du monde. Ils demandent à être usés comme du monde, car aucune vie ne se compare à la longueur des jours qu'ils ont vécus. On pourrait faire 40, 50 et même 60 heures. Aujourd'hui, même les assurances ont obligé les compagnies à ne pas faire travailler une équipe plus de 18 heures par jour sans aller sans sommeil ou sans aller se coucher. Leur laissait-on seulement le temps de vivre? Leur laissait-on seulement le temps d'appartenir à un pays? Et c'est alors que les officiers du port siégeaient dans leurs calculs somptueux, comptant les heures sur les doigts de cuivre des clochers. 35 puis 40 heures sans rater, de 2 jours puis 2 nuits sans rater. J'ai fait ça souvent. Même j'ai fait une fois 70 heures sans rater. Et qui encore oserait exiger quoi de ces hommes qui ont fait leur journée? C'est assez dur, monsieur. C'est assez dur. Ça prend une personne qui est assez résistable. Comme on dirait dans la falvette, là, il va faire une journée puis il va être 2 jours sans travailler. Je trouve ça trop dur. Geneviève Pronovost, on pourrait dire que la vie sur les quais, ça n'a pas toujours été facile. Non, ça n'a pas toujours été facile. Il y a de plus en plus de travailleurs sur les quais. On y retrouve des marins, des journaliers, des chartiers. Mais le groupe le plus important, ce sont les débardeurs. Au départ, ce sont des Irlandais qui forment le gros des débardeurs. Puis les Canadiens français vont commencer à se joindre à eux. Ça demande une endurance physique phénoménale. Ils n'ont presque pas d'outils de levage à l'époque. Ils ont leur fidèle crochet avec lequel ils travaillent beaucoup. C'est des gens qui, en 1902, gagnent 20 sous de l'heure. C'est donc des salaires très peu payés pour une endurance physique incroyable. Ils sont tellement peu payés que plusieurs vont travailler aux États-Unis pendant l'hiver sur les ports de Boston et de Portland pour pouvoir joindre les deux bouts. Malgré leur lutte syndicale, là, qui commence vers 1903, on va reconnaître leur syndicat, on va reconnaître des meilleurs salaires, mais c'est vraiment dans les années 1960 que leurs conditions vont s'améliorer. Mmh. Sur les quais, on voit aussi apparaître des aubergistes, des taverniers qui s'occupe de rendre service à tous ces gens-là, qui s'occupe de les nourrir, entre autres, de les loger. Les marins ont besoin d'endroits où loger. Et entre autres, c'est là qu'on va voir un homme qui va marquer l'histoire de Montréal, Joe Beef. Joe Beef, c'est un soldat, il arrive de la guerre de Crimée. En fait, son vrai nom, c'est Charles McGernan, mais comme il s'occupait de nourrir les soldats dans l'armée et qu'il avait une facilité à aller chercher la viande, on va l'appeler Joe Beef. Et ces auberges, ces deux auberges qu'il va avoir à Montréal, vont porter ce nom-là, Taverne Joe Beef. Joe Beef fait beaucoup de profit, entre autres avec l'alcool, et il sert toujours de très bons repas aux gens riches. Mais il n'hésite jamais à offrir un repas à un indigent, à quelqu'un qui a moins d'argent. Et d'ailleurs, il va soutenir les luttes ouvrières, il va soutenir les grévistes, entre autres les grévistes du canal de la Chine en 1177. Il va leur offrir 3000 pains et 500 gallons de soupe gratuitement. Les tavernes Joe Beef, c'est un endroit où les luttes ouvrières vont se passer. Il va leur offrir un endroit pour se rassembler. Ça devient une légende aussi. Oui. Et l'âge d'or du port de Montréal, c'est le 20e siècle, hein? Oui. Est-ce qu'on a raison d'imaginer que l'âge d'or, c'est le 20e? On a l'impression que à cette époque-là, que les infrastructures vont exploser. Ah oui, tout à fait. On se tourne vers l'économie céréalière. On a besoin d'aménagements pour entreposer les céréales. On n'a pas encore réglé le problème des inondations au tournant du siècle. Et là, c'est là qu'on va commencer à construire la jetée Mackay, la cité du Havre, qui est quand même un très long quai là, qui part du pont Victoria jusqu'à Habitat 67 aujourd'hui. Donc, c'est un quai de transbordement, mais enfin, on va contenir les eaux, on va contenir les inondations. On va aussi faire surélever les quais parce que les paquebots sont beaucoup plus élevés que les bateaux à vapeur. Donc, on surélève les quais. On va remblayer, grâce à l'ingénieur John Kennedy, l'ingénieur du port, on va remblayer tout le mur de 1831. On va créer trois nouveaux quais, Alexandra, Jacques Cartier et King Edward. Puis, on va utiliser la même technique d'ingénierie, là, les caissons en bois et carré, mais on les recouvre de béton cette fois-ci. Puis, on va construire plusieurs hangars. On va construire 21 hangars, donc on va avoir une capacité d'entreposage digne de ce nom. Mais ce qui fait l'emblème de Montréal pour l'époque, c'est les silos. Les silos à grains. Les célèbres les silos. Les célèbres. Il n'y en a pas un en particulier plus célèbre que les autres? Oui, le silo numéro 2. Oui. Le silo numéro 2 a un petit style art déco. Hein, c'est des boîtes rectangulaires empilées les unes sur les autres. Il est vraiment, ce silo-là, reconnu dans les livres d'ingénierie, dans les livres d'art, puisque Le Corbusier, dans son livre « Vers une architecture », va dire qu'il est d'un parfait équilibre face à sa fonction. C'est le premier bâtiment au monde construit en béton armé au complet. Les silos sont tellement l'emblème de Montréal qu'à l'exposition universelle de 1937 à Paris, le pavillon du Canada a la forme d'un silo. Alors, vraiment, c'est l'emblème de Montréal. Par contre, ce qui fait la performance du port de Montréal, c'est l'invention de Metcalf, qui, lui, va inventer un système de convoyeur. En fait, c'est un tapis roulant qui permet de sortir le grain des bateaux et de les envoyer dans des silos. C'est très, très ingénieux. Les convoyeurs existent dans d'autres pays, mais ce que Metcalf ajoute... pour rendre le port performant, c'est que chaque convoyeur est relié à chaque silo. Ce qui fait que les bateaux qui arrivent à n'importe quel quai peuvent débarquer leur chargement et on les envoie dans le silo où il reste de la place. Donc, on réduit le temps de chargement et de déchargement, ce qui rend le port de Montréal d'une très grande efficacité. Le port de Montréal a connu beaucoup de succès, mais il y a aussi eu des inquiétudes, hein, il faut le dire. Mm-hmm. Ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent, par exemple. J'ai un extrait à vous faire écouter, vous allez voir, c'est quelque chose. Mm. C'est de l'émission de l'actualité, 27 juillet 1958. C'est avec l'annonceur André Hébert. Maintenant que la nouvelle voie maritime du Saint-Laurent est une possibilité qui se réalisera prochainement, les experts ont tenté d'en prévoir les répercussions sur le commerce de Montréal. En effet, la métropole risque de voir une partie de son trafic maritime lui échapper en permettant aux cargos de remonter plus à l'intérieur des terres. Jusqu'ici, Montréal a bénéficié du commerce des gros bâtiments qui ne pouvaient s'engager dans le trop étroit canal de la Chine. Comme dans toute situation, il n'y a pas que des avantages à en tirer. Les désavantages que Montréal subira vraisemblablement seront assez sérieux. Les experts établissent à 35% la perte du volume de marchandises générales venant d'outre-mer et des ports américains de l'Atlantique. La ville qui profitera davantage de la voie maritime sera Toronto. En effet, comme une partie du commerce de Montréal s'acheminera vers les Grands Lacs, il est à prévoir que la ville reine sera la plus favorisée de toutes. Il ressort de tout ceci que Montréal ne devra rien négliger si elle désire demeurer le premier port du Canada. Alors Geneviève Prenevost, quand même, le développement donc de tout ça, ça a quand même, on voit des enjeux là, qui prennent place. En fait, à partir de ce moment-là, il faut réorienter complètement le port. En plus de ça, on commence à exporter de plus en plus le grain vers l'Asie, donc le port de Vancouver va lui aussi prendre le relais. Faut se tourner vers une autre technologie et on se tourne vers la technologie des conteneurs à la fin des années 60. Mais on s'aperçoit dès le début des années 70 que ça prend de la place, qu'un parc de conteneurs, ben ça demande de l'espace. Alors on commence à remblayer le bassin Bon Secours et c'est à ce moment-là que la population va commencer à trouver que là on exagère peut-être un peu. On avait essayé de donner une nouvelle vocation au port de Montréal, plus résidentiel, plus commercial. Le vieux Montréal est maintenant on l'a nommé arrondissement historique. On essaie d'y attirer des touristes. Alors, on va relocaliser le parc de conteneurs vers Longue-Pointe, dans l'Est. La Société du Vieux-Port de Montréal est créée en 1981. Et à partir de ce moment-là, on essaie de redynamiser les quais, d'y installer beaucoup d'aménagements récréotouristiques. Puis on essaie de plus en plus de redonner aux Montréalais les berges du fleuve. Parce que c'est vraiment ça, ça a été un enjeu pendant des décennies, ça. C'est-à-dire redonner aux Montréalais ces berges-là. Et puis vous parlez de la réorientation récréo-touristique. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est un succès? C'est un succès sur plusieurs années. Ça fait depuis les années 1980 qu'on travaille pour que le port se dynamise. On a eu dans les années 80 un plan qui s'est appelé « Fenêtre ouverte sur le fleuve » où on a créé un long parc sur le bord de la rue de la commune. On a aussi déblayé le bassin Bon Secours pour créer une patinoire l'hiver. En l'an 2000, on a ouvert le Centre des sciences. Et donc, ça fonctionne. Il y a encore beaucoup de travail à faire parce que on est présentement dans le plan d'eau de la ville de Montréal et on espère un jour redonner la baignade aux Montréalais. Oui, quand même. Hein. C'est se réapproprier les berges, se réapproprier le fleuve, oui. Se réapproprier à la limite le port. Geneviève Prenevost, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Pour merci moi aussi. Infiniment. Merci. Merci beaucoup. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou encore en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Alain Crevier en remplacement de Jacques Beauchamp. Je vous souhaite une bonne soirée.